Alors oui, j'ai des sentiments, je t'aime obstinément. Mais si ça suffisait, on serait plus que des amants et bien moins que des incompris. Notre amour en sursis me rappelle chaque instant que la vie sans toi, c'était plus la vie. Et si un jour on m'annonçait que ça n'en vaut plus la peine, je me raccrocherais à tes ailes et tout ce que je comprendrais. La vie sans toi, ce n'est pas la mienne. Alors oui, j'ai des sentiments, je t'aime obstinément. Mais si ça suffisait, on serait plus que des amants et bien moins que des incompris. Notre amour en sursis me rappelle chaque instant que tu n'appartiens pas à ma vie. Je croyais notre histoire invincible et mon cœur insubmersible. Mais ça, c'était avant que le ciel ne le mette à la renverse. Comment t'imagines-tu que moi, est-ce que je ressens pour toi, je puisse me contenter de refaire ma vie dans votre bras. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Même si sans toi, la vie n'est plus la même. Pourtant, je t'aime. Quand le corps n'est plus là, le cœur s'efface et devient ivre. Devant un tandem qui s'achève, le plus grand bandit devient mièvre. Tu es ma muse, tu es mon drame, depuis que mon cœur est désarmé. Mais pourquoi naissent les sentiments? S'ils s'éteignent aussi vite, ils arrivent qu'elle en joue des mots pour être arrachée de mes bras. La rage le vit dans moi. Que va donc advenir de ma vie noyée loin de toi? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Même si sans toi la vie n'est plus la même. Pourtant je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Même si sans toi la vie n'est plus pareille, je n'ai plus les mots. J'ai des sentiments, je t'aime obstinément. Mais si ça suffisait, on serait plus que des amants et bien moins que des incompris. Notre amour en sursis me rappelle chaque instant combien de temps il te reste à vivre. On dit qu'on a la vie qu'on aime, la vie qu'on a, la vie qu'on mène. Mais le coma est là qu'on aime. Comment veux-tu que je le prenne? Je ne voudrais pas te faire de la peine. Je voudrais tant que tu reviennes si le temps n'est pas éternel. Laisse-moi juste te dire que je t'aime. Car moi je t'aime.